الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، نحمد الله العلي الكبير رب العرش الكريم الذي يسر لنا مثل هذه المجالس الثمينة التي هي من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، التي فيها يزداد الإيمان ويقوى اليقين، فيها تكفير السيئات ورفع الدرجات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من خير بسبب كثرة ذنوبنا، فنسأل سبحانه وتعالى غفر لنا ذنوبنا وأن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا مستفيدين من أحاديث سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى l'avoir loué et prié sur son noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Et avant d'entrer dans le cours, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala et on montre notre reconnaissance. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, car Allah nous ordonne cela dans le Coran, de proclamer son bienfait. Car ces assises, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite, après cette prière obligatoire qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité, sont des assises parmi les assises où la foi augmente, la certitude se renforce, où on élève en degré les croyants, où on leur pardonne leurs péchés, où on leur accorde le paradis, où on les préserve du feu de l'enfer. Ces assises sont les assises des jardins du paradis, et on demande à Allah azza wa jal qu'il nous augmente de ses bienfaits et qu'il fasse que le bien se répande, que ce soit dans cette mosquée et dans les autres endroits. Et nous sommes arrêtés sur le 15e hadith, le hadith al-khamis al-ashar. An Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. D'après Abu Huraira رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit Alhamdulillah. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier soit généreux envers son voisin. Et que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son invité. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم وأكثر ما سبق من الأحاديث المذكورة متعلقة بالإيمان والإسلام وأصولهما. أما في هذا الحديث سأذكر أو ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لبيان شمولية الإسلام بمكارم الأخلاق، وأنه جليب كبير عظيم من ديننا، لأن هذا الدين كامل. Ce hadith vient après de nombreux hadiths qui traitaient jusqu'à présent de la foi, de l'islam et de leur base. Et ici, l'auteur Yahya ibn Sharaf al-Din al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous cite le 15e hadith qui traite des nobles caractères, des nobles comportements qu'on trouve dans l'islam. Et il veut nous montrer ici que l'islam, tout comme c'est une religion qui donne la plus grande importance à la croyance, qui donne la plus grande importance à l'adoration et la purification du culte, et le fait d'unifier Allah Azza wa Jalla dans le culte sincère, l'islam comprend également le bon comportement et les nobles caractères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est également venu pour nous apprendre le bon comportement et pour qu'on se rapproche des nobles caractères. Il nous dit dans un autre hadith: Al-bir husnul khuluq. Le bien tout entier est le bon comportement. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par une introduction immense. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence, avant de dire l'information, il nous dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Avant la deuxième information: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse ceci. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse ceci. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse ceci. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de dire l'information, il commence par cette introduction qui a la plus grande importance? Celui qui médite la religion musulmane se rendra compte que la base et le moteur de l'action sont ces deux points: le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de croire au jour dernier, ce jour où tu seras ressuscité, où tu sortiras de ta tombe, où tu te tiendras debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le jour où il te jugera, le jour des comptes, yawm al-hisab, le jour où tu seras questionné. Le fait d'avoir cette croyance, le fait d'aider Allah Azza wa Jal, de l'adorer d'un culte sincère et de croire à l'ensemble de ces informations. Parmi ces informations, il y a l'iman bil yawm al-akhir, le fait de croire au jour dernier, ce jour terrible, ce jour où la personne sera ressuscitée, ce jour où la personne sera questionnée et où il y aura les comptes. Celui qui a foi en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, tu verras qu'il agira. Tu verras qu'il agira. إذن الإيمان بالله واليوم الآخر سبب انطلاق المرء في العمل الصالح وسبب الكف عن السيئات والمحرمات. Donc le fait d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier est la cause qui va nous pousser à agir. Tu agis car tu aimes Allah. Tu agis car tu es à la recherche de l'agrément d'Allah. Tu agis car c'est Allah qui t'a créé. Et c'est Allah qui t'ordonne et t'interdit. Tu délaisses le péché car tu sais que tu vas revenir vers lui. Tu délaisses le péché car tu sais que tu vas être questionné sur chacun des points. Tu vas être questionné sur ton argent. Tu vas être questionné sur ta vie. Tu vas être questionné sur tes dires, sur tes paroles. Tu vas être questionné sur toute chose. Celui qui a la certitude dans cela, celui qui a la certitude dans cela, il va faire en sorte de préserver les obligations et de délaisser les interdits. Il va faire en sorte de délaisser les interdits et d'observer strictement les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que tu pries? Parce que tu crois en Allah et au jour dernier. Pourquoi est-ce que tu t'acquittes de l'aumône? Pourquoi est-ce que tu donnes des sadaqat? Pourquoi est-ce que tu dépenses de ton argent qui t'est cher pour Allah azza wa jalla? Pourquoi est-ce que tu délaisses le mensonge, le vol, la fornication, les mauvaises paroles? Quelle est la cause de tout ça? الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر. Et celui qui ouvre le Coran, celui qui ouvre le Coran verra que le premier verset est الحمد لله رب العالمين. الحمد وصف المحمود بالكمال مع محبة وتعظيم. Lorsque tu dis الحمد لله, que signifie cela? الحمد لله, le sens de cette parole énorme est le fait de faire les éloges, ou bien est le fait de qualifier Allah Azza wa Jal par les attributs de perfection, le fait de décrire Allah Tabaraka wa Ta'ala par la perfection totale, et cela avec amour et immensification. C'est cela que signifie Alhamd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Si c'est le Seigneur des mondes, c'est que c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui t'a guidé, c'est celui qui te donne ta subsistance, donc ton cœur penche que vers lui. Tu l'aimes au-dessus de tout, tu crois en lui. Le deuxième verset, Ar-Rahman Ar-Rahim, tu vois qu'Allah c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc tu l'aimes et tu espères en lui. Ensuite, Maliki Yawmiddin, le roi ou le maître du jour de la résurrection, du jour des comptes. Donc, après avoir cité la foi en Allah, on a cité la foi au jour dernier. Et on nous dit, c'est Yom Al-Qiyam, c'est le jour de la résurrection, le jour des comptes. Passons à la deuxième sourate, dans la première page de sourate Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalika Al-Kitab La Rayba Fi, Hudan Lil Muttaqin. Man hum Al-Muttaqin? الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول ما تجد في سورة البقرة من صفات المتقي الإيمان بالغيب ومنه الإيمان باليوم الآخر. في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى نجي ألف لام voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, une guidée pour les gens pieux. Ensuite Allah Azza wa Jalla nous décrit qui sont les gens pieux. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui ont foi aux choses de l'invisible. Et parmi les choses de l'invisible, le fait d'avoir foi au jour dernier. Cette foi là doit nous faire agir. Et regardez la suite. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat, ceux qui ont foi au jour dernier, la suite du verset, ils accomplissent la prière. Pourquoi est-ce qu'ils accomplissent la prière? Parce qu'ils ont foi au jour dernier. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ils dépensent de ce que nous leur avons donné. Pourquoi est-ce qu'ils dépensent de cet argent alors qu'Allah nous dit dans le Coran que l'homme aime l'argent? Pourquoi? Parce qu'il a foi au jour dernier. Donc la foi en Allah Azza wa Jal et la foi au jour dernier, c'est la base et c'est le moteur qui nous fait agir dans le bien et délaisser le mal. Voici pourquoi, ou voici la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par cette introduction et l'a réitéré plusieurs fois. Quelle est la première chose? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il y a une jumla shartiya, il y a une phrase qui est citée au conditionnel. Celui qui a ça devra avoir ça. Et il y a jawab al-shart, la réponse à la condition. Quelle est la condition? Celui qui croit en Allah et au jour dernier. Ça c'est fi'l shart. Celui qui a ça, quel devra être le résultat? فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Le résultat, si tu as cette condition, tu crois en Allah, tu crois au jour dernier et tu n'as aucun doute dans cela, bah tu dois dire du bien ou te taire. Tu dois dire du bien ou te taire. Celui qui se souvient avec certitude qu'il reviendra vers Allah Azza wa Jalla et qu'il sera questionné sur chaque chose. Il fera attention à toute parole qui sortira de sa bouche. Et avant de parler, rappelle-toi ce qu'Allah dit dans le Coran. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Allah tabaraka wa ta'ala nous donne une information par rahma pour nous, par miséricorde pour nous, pour qu'on fasse attention à toute parole qui sortira de cette bouche. Chaque membre que tu possèdes, c'est une amana, c'est un dépôt. Et Allah te l'accorde pour voir comment est-ce que tu vas t'en servir. Et tu seras questionné par la suite sur cela. Allah te dit dans le Coran, tu ne prononces pas une parole sans être surveillé. Chaque parole que tu prononces, tu es surveillé. Chaque parole que tu prononces, les anges l'inscrivent. Chaque parole que tu prononces, Allah Azza wa Jalla l'entend. Toute chose sera inscrite dans ton livre et ce livre te sera remis au Al-Qiyam. On va te remettre ton livre, soit de la main droite. Ja'ana Allah wa iyyakum min ha'ula. Soit de la main gauche. Na'udhu billah an yajma'ana ma'al khasiri. Et on cherche protection près d'Allah Azza wa Jal contre le fait de recevoir notre livre de la main gauche. Et on invoque et on lui demande par miséricorde qu'il nous facilite l'obtention de nos livres par la main droite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité dans de nombreux hadiths, dans de nombreux hadiths, le danger des mots, le danger de la parole. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a dit, ya Rasulallah, mais est-ce que les gens vont entrer en enfer à cause de leur langue? Il a répondu à Mu'az, thaqilat ka ummuka ya Mu'az. Lorsque Mu'az radiallahu anhu a demandé des conseils au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a conseillé. À la fin, il lui a dit, et préserve celle-ci, préserve ta langue. Alors Mu'az radiallahu anhu lui a dit, ya Rasulallah, wa inna la mu'akhad bihasadi, bihamaza, bihasadi al-sinatina. Est-ce qu'on va être pris et châtié à cause de ce que nos langues auront dit? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, thakilatka ummuka mu'ad, wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que ta mère te perde ô Mu'ad. C'est une expression chez les Arabes. Et le sens n'est pas voulu. Par moment, lorsqu'on dit des expressions en arabe, le sens n'est pas voulu. Comme qatalakallah, qu'Allah te combatte. Ani, par moment, le sens n'est pas voulu. C'est pas une dua contre la personne, mais c'est par miséricorde pour la personne. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que ta mère te perde, ô Mu'ad. Et est-ce que les gens seront projetés ou culbuteront sur leur, dans le feu de l'enfer sur leur visage, si ce n'est à cause de ce que leur langue auront dit? Subhanallah, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit une des plus grandes causes qui feront entrer les gens en enfer, et la langue et les mauvaises paroles qui auront été dites. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan fatulqi bihi fi an-nar aw tuhwi bihi fi an-nar ab'ad mimma bayna al-mashriq wal maghrib aw 70 kharifa fi riwayat ukhra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la personne prononce des mots sans faire attention, sans vérifier ce qu'elle dit, par ces mots Allah le met en enfer 70 automnes. 70 automnes. Tout cela pourquoi? Car il n'a pas fait attention à ce qui sort de sa bouche. Et l'islam nous éduque à bien utiliser chacun de nos membres. Et un des rares membres qui est à l'extérieur, ou bien un des rares membres qui est à l'intérieur, et où on a mis des remparts, c'est la langue, subhanallah. Lorsque tu vois, lorsque tu médites sur les oreilles, il n'y a pas de cache, il n'y a pas de chose devant. Lorsque tu médites sur les yeux, il n'y a qu'un voile. Il n'y a qu'un voile. Mais lorsque tu médites sur la langue, Il y a la langue et à l'intérieur de la bouche. Il y a la mâchoire, il y a les dents et il y a les lèvres. Donc lorsque tu prononces une parole, c'est que c'est voulu. Parce qu'on t'a aidé de par cette création parfaite pour que tu retiennes ce membre qui peut causer de nombreux dégâts. Qui peut causer de nombreux dégâts. Et certains parmi les gens de science ont dit pourquoi ? Ou ont dit peut-être que la sagesse d'avoir deux oreilles mais une seule langue est d'écouter beaucoup plus que nous parlons. Et d'écouter beaucoup plus que nous avons à parler. Et une parole peut anéantir la vie du serviteur. Et wallah, une parole, sans faire attention, une parole où tu n'auras pas eu peur d'Allah Azza wa Jal peut anéantir ton bas monde et l'au-delà. Il y avait deux personnes parmi les anciens, un homme pieux et un ami à lui qui n'était pas pieux. Celui qui était pieux, à chaque fois qu'il voyait son ami dans un péché, lui disait Iqsi, utruk hadha adh-dhanb, ittaqillah, délaisse ce péché, arrête. Et l'homme lui répondait quoi? Laisse-moi, moi et mon Seigneur. Un autre jour, il l'a vu, lui a redit la même chose, un autre, et ainsi de suite. Il lui interdisait le mal, il le blâmait, il le réprimandait. Mais l'homme restait constamment. Ou bien l'homme réitérait le péché, recommençait le péché. Un jour, il l'a vu dans un acte qu'il a jugé immense, un grand péché. Il lui a dit, Wallahi la yaghfirullahu lak. Il a dit, Wallahi, Allah ne te pardonnera jamais. Allah tabaraka wa ta'ala s'est mis en colère contre ce serviteur qui a devancé Allah dans son jugement. C'est comme s'il avait imposé à Allah une chose. C'est comme s'il avait devancé le châtiment d'Allah Azza wa Jal. C'est comme s'il avait interdit sa miséricorde à un de ses serviteurs. Et personne n'a le droit de devancer Allah tabaraka wa ta'ala dans son jugement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Man yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lah wa ahbadtu 'amalak. Ya subhanallah, 'abid salih wa bisabab kalimatin wahidah kama qala Abu Hurairah wallahi laqad awbaqa dunyahu wa akhiratahu bisabab kalimatin wahidah. Cet homme qui était pieux, lorsqu'il a juré, il a dit Wallah, Allah ne te pardonnera jamais. Allah s'est mis en colère et lui a dit Qui est-ce qui jure que je ne pardonnerai pas à mon serviteur? Comment est-ce que quelqu'un peut se permettre de dire cette parole? Je lui ai pardonné ses péchés, je le fais rentrer au paradis. Et toi, je t'annule toutes tes actions. Regardez, subhanallah, une parole. C'était quelqu'un de pieux. C'était quelqu'un qui faisait du bien, qui faisait des ibadats. C'est quelqu'un qui s'est mis en colère pour Allah. Mais il ne s'est pas mis en colère, hein, comme Allah voulait de lui. Il n'a pas suivi les textes et n'est pas resté dans la droiture, dans le juste milieu. Il n'est pas resté dans le juste milieu. Regardez le résultat, il a prononcé une parole. Quel fut le résultat? Allah a annulé toutes ses actions. Un deuxième exemple qui montre la gravité de la parole, aussi courte soit-elle, elle peut avoir des dégâts immenses et par moments irréversibles. Au retour d'une bataille, j'oublie quelle bataille, peut-être la bataille de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons. Un groupe de personnes qui étaient à l'écart se sont mises à discuter. L'un d'entre eux a dit ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء يعنون رسول الله وأصحابه. Un homme qui était avec un groupe a dit, alors qu'il revenait du combat en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme a dit, nous n'avons jamais vu des savants comme ces gens-là. Al-Qurra, à l'époque, ce n'est pas les simples récitateurs du Qur'an, c'est les savants. Ce sont les gens de science. Le fait de savoir lire le Qur'an et de mémoriser le Qur'an ne fait pas de toi un savant. Tu dois comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal te cite. Tu dois comprendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour faire partie des gens de science. Et tu ne seras pas considéré comme savant tant que tu n'auras pas mis en pratique la science. Donc, dans ce hadith, l'homme a dit, nous n'avons jamais vu des gens de science, des qurra, des lecteurs du Coran comme cela. Il parlait de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Avec des ventres aussi gros que les leurs, avec des langues aussi mensongères que les leurs, et aussi peureux lors de la rencontre avec l'ennemi. Il visait par ses mauvaises paroles le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Un jeune parmi les compagnons qui était présent a détesté cette parole et a blâmé cette parole et l'a réprimandée. Car un musulman, lorsqu'il entend une mauvaise parole dans une assise sur son frère, il ne garde pas le silence. Le musulman, il est courageux. Le musulman n'a peur de personne en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le musulman défend l'honneur des gens de science. Le musulman réprimande le blâmable. À l'instar de cette, à l'image de cette personne qui a dit kadhabta. Tu te trompes ou tu es un menteur, tu as menti. Walakinnaka munafiq. Mais tu es bel et bien un hypocrite. La ukhbiranna rasulallah. J'informerai assurément le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tes paroles. Et lorsque ce compagnon est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de ce qui avait été dit à son sujet et les autres parmi les compagnons, il a trouvé que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, sami'u al-alimu al-basir, d'Allah le clairvoyant, celui qui entend tout et celui qui sait tout, l'avait devancé. Avant que le sahabi intervienne et réussisse à transmettre la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Alim al-Khabir avait déjà parlé. Al-Alim al-Khabir avait déjà révélé. Alors, l'homme qui a dit cette parole est parti pour se justifier, s'excuser, essayer de trouver une issue de secours. Et a dit, Ya Rasulallah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Au message d'Allah, on ne faisait que plaisanter. Ça n'était qu'une discussion, comme lorsque nous sommes en voyage, comme on dirait au jour d'aujourd'hui, pour tuer le temps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a resté le verset. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum. Hada huwa al-hukm. Talaffazta bi hadhihi al-kalima. فإليك الحكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Regardez le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala min fawq sab'i samawat. Cet homme a dit cette parole, Allah azza wa jalla a révélé du Coran pour ici jusqu'au jour d'aujourd'hui et jusqu'au jour où Allah azza wa jalla le voudra. Allah a révélé, dit, est-ce d'Allah de ses signes ou ses versets et de son messager dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru, vous êtes sorti de l'islam après avoir eu la foi. Quelle est la cause de cela? Ils ont dit une parole dans une assise leur a valu quoi? L'exclusion de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois faire attention à cette langue. Regarde les dégâts. Cet homme est venu attraper la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disait, Ya Rasulallah, on faisait que plaisanter. Ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ajoutait rien à la parole d'Allah. Qul abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Et regardez comme Allah azza wa jal nous dit, qad kafartum wa lam yakul kad kafart. لأنهم سكتوا عن الباطل وسكتوا عن الكفر بالله العظيم فهم بمنزلة الراضين. Allah Azza wa Jalla a dit, vous avez bel et bien mécru. Il a dit au pluriel et n'a pas fait sortir de l'islam que celui qui a parlé, car ils étaient tous assis comme cela. Ils sont donc associés dans le mal et n'a été sauvé que celui qui a réprimandé le mal. N'a été sauvé que celui qui a réprimandé le mal. Car lorsque tu es associé aux gens du faux, si tu ne les blâmes pas, ou si tu ne te sépares pas d'eux, si, lorsque le châtiment tombe, il tombe sur tout le monde. Ensuite, chacun récitait selon son intention. Donc voici la gravité de la langue. Voici comment on nous met en garde contre le fait d'avoir du laxisme dans les paroles que nous proférons. Et la personne, lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'elle parle, les paroles sont de plusieurs sortes. El khayrul bahr. Premièrement, c'est un bien complet, c'est un bien total. Cette parole-là, ici le prophète sallam, que nous a-t-il dit? Celui qui croit en Allah, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas interdit de parler. Il ne nous a pas interdit de parler. Allah ne nous a pas interdit de parler dans le Coran. Wa qul li ibadi yaqulu alladhi ahsan. Et dit à mes serviteurs de dire ce qu'il y a de meilleur. Allah dit donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans le Coran, dites aux gens du bien. Et ici le prophète sallallahu nous dit, celui qui croit en Allah et le jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc la première catégorie de parole, le bien complet, le bien total, le bien qui n'est pas altéré par un mauvais, par un mal, pardon. Ceux-là, on t'encourage à le dire. C'est mieux de dire le bien plutôt que de se taire. Si c'est un bien complet, dis-le. C'est mieux que le silence. Mais tu dois dire les choses avec sagesse et dans le contexte le plus adéquat. Tu dois faire attention aux dawabi shar'iyya, aux règles religieuses. Et si le bien que tu veux dire va amener un mal plus grand, alors à ce moment-là, tu ne le diras pas. Deuxièmement, le mal total, le mal absolu. Al-sharrul mahd, une mauvaise parole. On t'interdit de prononcer cette parole. Ensuite, il y a un bien, mais qui est entaché par un mal. Soit le bien sera plus grand et prendra le dessus, soit le mal sera plus grand et prendra le dessus. Et il reste une dernière chose, il y a un doute. Je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal. Ce qui est sûr, c'est que le bien, tu dois le dire. Ou c'est bien de le dire, et dans certains cas, c'est obligé. Ce qui est sûr, c'est que le mal, tu dois t'en abstenir. Ensuite, ça dépend de la situation. Concernant le dernier cas, lorsque tu es dans le doute, délaisse la parole, ne parle pas pour ne pas avoir de regrets par la suite. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Si tu as un doute, est-ce que c'est du bien ou pas, délaisse la parole. Ne parle pas. Demande aux gens de science. Prends du recul. S'il t'apparaît par la suite que c'est un bien, prononce la parole. Dans le cas contraire, abstiens-toi et tu n'auras pas eu de regrets. La deuxième partie du hadith, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore, ou bien qu'il soit généreux avec son voisin. الجوار في الإسلام ذو أهمية عظيمة. Le voisinage dans l'islam a la plus grande importance. Au point où certains savants ont dit, parmi la générosité et le bien, on n'a pas trouvé de texte ni dans le Coran ni la Sunna plus important que les droits du voisin après les droits des parents et peut-être le droit de l'époux. Donc le droit du voisin a la plus grande importance dans l'islam. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est resté debout pendant un long moment. Un long moment. Et un sahabi a dit au point que j'ai eu pitié pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il était debout en train de parler avec cet homme. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Ibn Abbas, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ah, sallallahu, j'ai eu pitié, j'ai eu de la miséricorde pour toi, tellement que tu es resté longtemps à écouter cet homme qui te parlait. En étant debout. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as vu cet homme? Alors le sahabi lui a dit oui. Il lui a dit, c'était Jibril. C'était Jibril qui est venu sous l'apparence humaine, comme il peut le faire, par la permission d'Allah Azza wa Jal, comme on a cité dans le deuxième hadith. Ensuite il lui a dit, la zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril n'a cessé de me faire des recommandations à l'égard des voisins jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait lui donner le droit à l'héritage. Et sois comme ça avec le voisin, fais telle chose au voisin, ne fais pas telle chose au voisin. Voici les recommandations. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, j'ai cru qu'il allait dire, parmi ses recommandations, il aura droit à une part de l'héritage. Mais c'est une chose à arriver. En d'autres termes, j'ai cru qu'il allait le mettre au même rang que le lien sanguin, que le lien familial, que les parents ou que les enfants, et ainsi de suite parmi tes proches. Et Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, lorsqu'il avait de la viande ou lorsqu'il égorgeait une bête, il répartissait cette viande. Il disait à sa famille, donnez telle part à un tel, donnez telle part à un tel, donnez telle part à un tel. Allez, parmi les compagnons, parmi les musulmans, et ainsi de suite. Et il disait, وَأَعْتُوا هَذَا لِجَارِنَا الْيَهُودِ سَمِعْتُمْ. Ensuite il disait, et donnez cette part de la bête, cette viande, à notre voisin le juif. À notre voisin le juif. Donc on comprend quoi de cela? Que l'islam ordonne le noble comportement et les nobles caractères et la bienfaisance envers les voisins, quand bien même ils ne seraient pas musulmans. Quand bien même ils ne seraient pas musulmans. Et janibul wala'i wal bara la yamna' min ikramil jiran. Et l'alliance et le désaveu, comme c'est la croyance dans l'islam, n'empêche pas la bienfaisance envers les voisins. Qui est le voisin? Les savants ont divergé sur le voisinage. Jusqu'où s'étend le voisinage? Certains ont dit 70 portes, certains ont dit celui qui est dans la même rue, certains ont dit. Quoi qu'il en soit, les voisins se divisent en trois. Le premier voisin, c'est celui qui a un seul haq sur toi, un seul droit. C'est le droit du voisinage, c'est le kafir. C'est le voisin qui est mécréant, n'est pas musulman. Il a quand même un droit sur toi, c'est haqqul diwar. Le deuxième type de voisin a deux droits sur toi. Qui est-il? C'est celui qui est ton voisin. Et en plus de cela, c'est un homme de ta famille. Donc il a haqqul diwar ou haqqul qarab. Il a le droit du voisinage et le droit, le droit du proche. Na'am labas. Le troisième droit, barakallahu fik. Le troisième droit, ou bien le troisième type de voisin, c'est celui qui a trois droits sur toi. Qui est-il? Al-jar min zawi al-qaraba min al-muslimin. فله حق الجوار حق القرابة وحق الأخ على أخي حق المسلم على أخي. Le troisième type de voisin est le voisin musulman parmi tes proches. Il a trois droits: le droit du voisinage, le droit du proche et le droit du musulman sur son frère. Et le droit du musulman sur son frère. Comment est-ce que tu dois te comporter avec tes voisins? Premièrement, kafful adha. Tu ne dois le toucher d'aucune nuisance. D'aucune nuisance. C'est la première étape. Ça n'est pas de lui offrir des choses, de lui ramener des choses, la première étape. Non. C'est de le mettre à l'abri de ton mal. Le mettre à l'abri de ton mal. Que ce soit concernant ses épouses, que ce soit concernant ses enfants, que ce soit concernant sa personne, sa maison, et ainsi de suite. Tu ne poses pas tes ordures devant lui, c'est ça. Et en est devant ta porte. Ta propre porte à toi, ça peut nuire à ton voisin. À plus forte raison, devant sa porte, cela ne fait pas partie de mon comportement. Tu ne dois pas faire de bruit si tu as des enfants. Tu dois veiller à ce que tes enfants ne nuisent pas au voisin. Ils ne doivent pas jouer avec certaines choses si ça peut nuire au voisin d'en haut ou d'en bas. Car la plupart vivent dans mazas des bâtiments. D'accord? Donc celui qui joue au ballon avec ses enfants et qui a des voisins en dessous, s'il gêne ses voisins, il tombe dans l'interdit. Il tombe dans l'interdit. Il ne doit pas parler fort. Wallahi, même la lecture du Coran, même la lecture du Coran qui est la parole la plus noble, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu n'as pas le droit de d'élever la voix en lisant le Coran, ça peut déranger la sieste de ton voisin par exemple. Voyez-vous l'étendue de la bienfaisance qu'il y a dans l'islam. Ensuite, tu dois baisser ton regard. Tu n'as pas le droit de regarder les femmes de sa famille. Tu n'as pas le droit de parler aux femmes de sa famille. Et de chercher à savoir ce qu'il y a dans cette famille. Tu n'as pas le droit d'espionner ton voisin. Tu n'as pas le droit de regarder chez ton voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui regarde chez toi, à ton insu, et que tu lui as, si tu lui crèves l'œil, tu n'as pas de qisas. Tu n'as pas de dédommage. Tu n'as pas commis d'interdit. C'est interdit de regarder le mahal de la, du voisin. L'islam préserve l'honneur des gens. L'honneur du voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la personne commette l'adultère avec tel et tel nombre de femmes, j'ai oublié le nombre, 60 ou un autre nombre, c'est moins grave que s'il commettait une fois la fornication avec la voisine. Pourquoi cela? Haqqul jar. Haqqul jar. Hurmatul jar. Fil isfidina. Parce que le cas, il y a le caractère sacré du voisin dans notre religion. Donc ça c'est très important. C'est très très très important. Tu ne dois pas nuire aux voisins. Deuxièmement, tu dois leur faire profiter du bien qu'Allah Azza wa Jalla t'a accordé. Si tu rentres avec des courses, si tu fais à manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ajoutez du mara, yani de l'eau dans la sauce, afin que ça en fasse plus, pour en donner à nos voisins. Voici le comportement. Et si on avait connaissance de ces comportements et qu'on les appliquait, après la purification de la croyance et la bonne et l'adoration d'Allah Azza wa Jalla qu'il se sincère avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants auraient une autre image de l'islam. Pour ceux qui ont été trompés par les médias. Et les gens se rapprocheraient de nous. À l'image de Martin qui s'est converti là, il y a quelques jours, et à l'image de notre autre frère qui s'est converti à la prière de l'Asr. Bihamdillahi Azza wa Jalla. Donc, voici le comportement dans l'islam envers le voisin. Et tu dois commencer à donner et à montrer ta générosité au voisin qui a la, proche, qui a la porte pardon, la plus proche de toi. Plus sa porte pardon, est proche de toi, plus il doit être le premier à bénéficier de ton bien. Tu ne commences pas par le dixième voisin, tu commences par le premier. Et la sagesse de cela, comme ont cité les savants, c'est que c'est celui qui voit ce avec quoi tu rentres chez toi. Lorsque tu fais des courses, hein, et qu'il a vu dans ton mazda, dans ton sac, Carrefour ou autre, d'accord, il a vu des chocolats, et il a vu telle chose, et telle chose, et telle chose, hein, l'enfant miskin du voisin, peut-être que son père n'a pas les moyens de lui rapporter cela, et il te voit rentrer avec cela. L'islam met tout en œuvre pour que le hased s'estompe et disparaisse, la jalousie et l'envie. L'islam t'appelle à ce moment-là à réserver une petite part et à donner au voisin. Le voisin à ce moment-là ne sera plus jaloux, mais il fera dua pour toi. Et il prendra exemple sur toi pour honorer lui aussi ses voisins. Et il n'y aura pas de hased. Voici le comportement qu'on doit avoir envers nos voisins. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Et avant cela, regardez en France, subhanallah. Des centaines de personnes meurent sans que le voisin ne connaisse la personne et ne soit au courant. Lorsqu'il y a eu telle canicule et telle canicule, hein, 50 degrés, 40 degrés, les gens mouraient. Ça y est. Et subhanallah, des jours et des jours sans qu'on sache que telle personne âgée est décédée dans son appartement. Pourquoi? Parce que les koufars ne connaissent pas Haqqul Jar. Ça y est. Ils ne connaissent pas les droits du voisin. Dans un pays musulman, tout le monde se connaît. Pas entre les voisins, mais même dans le quartier, tout le monde se connaît. Et l'enfant d'un tel est l'enfant de tout le monde. Tout le monde en prend soin. Et les voisins se connaissent les uns les autres, se visitent lorsqu'un tel est malade, viennent aider telle personne lorsqu'elle accouche, et ainsi de suite. Mais en France et dans les autres pays, regarde le comportement qu'ils ont entre eux. Peut-être que 5 ans, tu habites dans un bâtiment, et personne ne connaît personne. L'islam ne nous apprend pas cela. Troisièmement, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité, qu'il prenne soin de son invité. L'invité dans l'islam a la plus grande importance. وإكرام الضيف كان معروفا من قديم الزمان. Le fait d'honorer les invités, c'était connu chez les Arabes. C'était une qualité qu'ils avaient, le karam, avant même l'islam. Et même dans les temps anciens, à l'époque d'Ibrahim alayhi salam et autres, hein, et dans la qissa de Ibrahim, avec ses invités qui étaient en réalité des anges, Allah Azza wa Jalla nous apprend le comportement à avoir envers l'invité. إكرام الضيف أن تعامله بما يحب. وَبِمَا تُحِبُّ أَنْتَ أَنْ تُعَامَلَ بِهِ إِكْرَامُ الضَّيْفِ. Comment tu vas honorer ton invité? En te comportant avec lui comme il aimerait que tu sois avec lui, ou comme tu aimerais toi qu'on se comporte avec toi en tant qu'invité. Donc tu lui accordes la chaleur dans ton appartement, le fait de s'asseoir à l'aise chez toi, tu l'accueilles et tu lui tiens compagnie. Si il est en voyage et qu'il n'est pas dans une ville où il y a des lieux pour s'abriter, comme les hôtels et ainsi de suite, alors ce haqq-là, même s'il fait partie de makarimul akhlaq, des nobles caractères, c'est un haqq wajib. C'est obligatoire d'accueillir l'invité et le voyageur situé à la campagne ou dans un endroit où il n'y a pas ce genre de choses comme les hôtels, où il ne peut pas trouver un abri. Mais dans les villes, la personne qui vient, elle peut avoir la capacité de se loger, et ainsi de suite. D'accord? Comme le fait de louer une chambre d'hôtel, et ainsi de suite. Là, c'est pas obligatoire, mais ça fait partie du bien. Mais si il est dans la campagne ou dans un lieu de passage, ben toute personne de cet endroit, hein, a l'obligation de lui accorder le gîte. Pendant combien de jours? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Thalathatu ayyam, pendant 3 jours. Haqqu dayf, thalathatu ayyam, pendant 3 jours. Dans notre hadith, un seul jour. Donc certains ont dit le haqq wajib c'est un jour, le haqq mustahab c'est 3 jours. Enfin, d'autres savants disent non, les 3 jours c'est obligatoire. Si c'est dans un endroit où il n'aurait pas d'autre lieu pour s'abriter, se reposer et se loger. Comment est-ce que tu dois accueillir ton invité? Comment est-ce que tu dois accueillir ton invité? Tu dois l'accueillir et lui permettre de dormir au chaud et à l'aise. Deuxièmement, tu dois l'accueillir et lui permettre de manger à sa faim. Bil ma'aruf. Bil ma'aruf. Et tu dois remplir son besoin autant que possible. Et méditer l'histoire d'Ibrahim alayhi salam pour qu'on voie un petit peu comment on doit se comporter dans l'accueil des invités. Comment on doit se comporter pour accueillir nos invités. Est-ce que tu le fais entrer chez toi? Ensuite, tu lui permets de s'asseoir et tu ne lui parles plus jusqu'à ce qu'il ne se sente plus, mal à l'aise. Est-ce que tu ramènes à manger et tu lui dis qu'est-ce que tu veux manger? Non. Non, dans l'islam ça n'est pas comme ça. Tu le fais rentrer chez toi. Tu lui dis ahlan wa marhaba, bienvenue à toi, tu lui souhaites la bienvenue et tu montres que tu es content que ce soit chez toi qu'il soit venu. C'est un honneur pour toi de l'avoir chez toi. S'il serait allé chez une autre personne, tu aurais été attristé, tu lui fais ressentir cela. Deuxièmement, tu lui montres où est-ce qu'il peut s'asseoir. Et tu lui dis, tafadhal, je t'en prie, viens, avec le sourire. Lorsqu'il a pris place, un maza, ôte-lui ce qui peut le gêner. Son manteau, mets-le à l'aise. S'il a une tenue qui lui est difficile à supporter, une tenue extérieure, propose-lui de se changer et mets-le à l'aise. Même si pour cela il faut que tu lui donnes des vêtements ou un qamis afin qu'il soit plus à l'aise. Et même si pour cela il faut que tu lui envoies tes enfants aller acheter un vêtement. Ensuite, tu ne lui demandes pas ce qu'il veut manger. Cela ne fait pas partie de nos traditions ni de notre religion. Qu'a fait Ibrahim alayhi salam lorsque les anges sont venus? Hein? Il a égorgé ou il a ordonné à ce qu'on égorge une bête. Et ensuite il aura avancé après qu'elle fut cuite. Il a mis la viande. Il n'a pas dit qu'est-ce que vous voulez manger, ça ou ça, comme certains font. Mais on n'en veut pas. On n'en veut pas à nos frères qui ont grandi qu'en France et qui n'ont pas voyagé à l'étranger ou qui n'ont pas reçu cette éducation. D'accord? Par exemple, lorsque tu achètes des yaourts, hein, il y a au fruit, il y a celui qui a la fraise, celui qui a la framboise, celui qui a aussi le tronçon. Tout le monde connaît ça pratiquement. Est-ce que tu viens les mains vides et tu lui dis tu veux lequel, au citron ou à la fraise? Là, tu ramènes tout et tu poses tout et tu laisses choisir. Prends. Quand il a fini le premier, tu lui donnes un deuxième. Hein? Et tu prends pas celui que tu aimes toi et tu le gardes dans le frigo et tu lui ramènes le reste. Là, il y en a six. Pourquoi t'en ramènes cinq? Ramène les six et laisse-le choisir en premier. Et plus il en mange, plus tu es satisfait. Parce que tu sais que tu es dans une adoration, tu es en train de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Tukrim baifak. Hein? Et tu représentes l'islam et la noblesse de caractère qu'il y a dans l'islam. Ensuite, tu lui donnes à manger le plus rapidement possible. Et s'il refuse, tu insistes. Parce que peut-être qu'il refuse par honte. Et tu insistes et tu insistes. Si vraiment il ne veut pas manger ou s'il est en état de jeûne, à ce moment-là, d'accord, tu arrêtes d'insister. Tu arrêtes d'insister. Parmi les gens qui ont d'exagération dans Mada al-Diyafa, dans le fait d'accueillir leurs invités, je ne vais pas citer de nationalité, Tayyib, mais pas loin du Mali et de l'Algérie, Tayyib, ils insistent. Au point où tu te forces, ça c'est pas Ikram al-Dhaif. Ikram al-Dhaif, tu insistes un petit peu, mais tu ne forces pas ton invité. Tu ne forces pas ton invité. D'accord? Aussi, lorsqu'il a fini de manger, veille à ce qu'il soit bien rassasié. Rajoute, ramène. Même s'il dit c'est bon, je suis rassasié. Rajoute, mange avec lui. Pour pas qu'il ait honte, ça fait partie de Kalam Zayy. Et n'attends pas à ce qu'il te demande une chose. Pense comme si toi tu étais l'invité et dépêche-toi, ramène telle chose et telle chose et telle chose. D'accord? Et selon la provenance de ton invité, il te faudra t'adapter à lui. Ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup parler, ça peut être quelqu'un qui est timide, ça peut être quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a déjà mangé. Ben, tu vas t'adapter à ton invité. Si c'est quelqu'un qui vient de telle contrée, ben, essaye de lui donner la chose qui vient de son pays. Essaye de lui donner la chose que tu penses qu'il aimera, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Si c'est quelqu'un qui vient du Mali, tu lui donnes quoi? Hein? Comment? Mais non, tu donnes du riz, Allah Adil. Toi, t'es un faux malien. Taïb. Si c'est quelqu'un qui vient du Maroc, si tu lui poses pas du thé sur la table, ta ziyafa elle est nafe et ça. Il y a un manque. C'est comme si tu avais rien donné à manger. T'es où? Faut que tu ramènes du thé. C'est ma'arouf. Wa iyak. Et prends garde à lui donner le sachet Lipton. Hein? Il lui faut du na'ala. D'accord? Si tu donnes un sachet à un Marocain, c'est un manque de respect. Lui, eux, ils ont le thé. Allez, c'est un niveau. On va pas aller ramener la jalousie, mais bon, les Marocains sont à un niveau supérieur dans le thé, d'accord, et la nourriture en général. Donc essaye de t'adapter à ton invité. Essaye de t'adapter à ton invité. S'il vient de tel pays, tel endroit, et ainsi de suite. Oh, kada. D'accord. Et délaisser cette habitude qui consiste à dire tu veux ça ou ça, tu veux ça ou ça. Non. قدم له لله عز وجل عوض الله لك خيرا منه. Donne de ce qu'Allah t'a facilité, Allah, et on demande à Allah de t'ajouter et de te remplacer ce que tu as avancé. Celui qui a l'habitude de dhiyafa, il est content lorsqu'il a des invités. Il est content lorsqu'il y a des invités. Parmi les gens de Al-Karam et les gens de sens, certaines personnes, leur porte est ouverte tout le temps. Et le four est en marche quotidiennement. Pour les invités, pour les passants, pour les visiteurs. Voyez. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez cette histoire qui va nous montrer comment est-ce qu'ils accueillaient leurs invités. De bien accueillir ton invité ne veut pas dire être riche forcément. Tu donnes ce que tu as. Tu donnes ce que tu peux. Mais certains aspirent au grand haut degré yawm al-qiyamah fi al-jannah. Certains ont une himma aliyah. Certaines personnes veulent les hauts degrés du paradis et n'agréent pas d'avoir un niveau plus bas que cela. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une personne aller demander chez lui, dans ses maisons, hein, dans ses appartements, à ses épouses, qui est-ce qui a de quoi accueillir son invité. Vous avez compris? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une personne aller frapper aux portes de ses appartements. chez Aïcha, chez Maïmouna, d'accord, chez Hafsa et ainsi de suite. Demandez-leur, est-ce qu'il y a de quoi accueillir mon invité ou pas? Écoutez, combien d'épouses avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est mort? Combien? 9. Il a épousé 11 femmes, mais lorsqu'il est mort, il avait combien? 9 épouses. Écoutez cette parole. L'homme est revenu et a dit, toutes tes épouses ont dit qu'elles n'ont rien pour accueillir ton invité, ya Rasulallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Buyutu sayyidi al-bashar wa a'lam al-bashar wa afdal khalqi Allah subhanahu wa ta'ala. Afdal ar-rusul خير من دعا إلى الله سبحانه وتعالى وعرف به بيوته ما فيها ما يكرم به ضيفه فلا حول ولا قوة إلا بالله إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وإن ويعطي الدين وإنما يعطي الدين على من يحب الله عز وجل دنا الدنيا سلوكي لم يسلوكي لم يبقى. Mais celui qu'il aime, comment tu vas reconnaître celui qu'il a aimé, lui donne un dîn. Regardez cette réalité, il n'y avait rien dans les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien. Il est donc revenu avec cette information. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mayastadifu dhayf rasulillah wa lahul jannah. Qu'est-ce qui va accueillir mon invité? Et il aura le paradis. Alors il miqdad a dit, moi ya Rasulallah. Il est parti chez lui, a dit à son épouse, on a l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ramène ce qu'il y a. Son épouse a dit, wallahi, nous n'avons rien, si ce n'est là le dîner des enfants. Il lui a dit, fais dormir les enfants. Fais dormir les enfants, sans manger. Et lorsque je viendrai avec l'invité, sers à manger. Et on va commencer à manger avec lui. Ensuite, tu te lèveras pour réparer, pour faire semblant de réparer la lumière et tu la feras tomber. Pourquoi cela? Comme ça, ils vont se retrouver et ce sera dans le noir, ce sera sombre. Et je ferai semblant de manger avec lui, mais je ne vais pas prendre la nourriture pour qu'il soit rassasié. Qu'a répondu cette femme? D'accord. D'accord, une femme pieuse, une femme qui obéit au mari, une femme qui a fait devancer l'invité du prophète sallam sur ses propres enfants, ses enfants. Ses enfants, regardez la femme pieuse, subhanallah. Alors il est venu avec son invité et elle a fait comme convenu. Elle s'est levée, a servi à manger, ils ont commencé à manger, ensuite elle a fait tomber le siraj, la lanterne, puis il a fait semblant de manger, l'invita à manger. Le lendemain, lorsqu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا الْبَارِحَ أَوْ لَقَدْ ضَحِكَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا مِنْ بِضَيْفِكُمَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a rencontré cet homme, il lui a dit Allah a ri, ou bien Allah s'est étonné de vos agissements envers votre invité. Ya subhanallah. Allah a ri. Allah, oui, Allah s'est étonné. Alors Umar ibn Khattab a dit, Awa yadhaku rabbuna, est-ce que notre Seigneur rit au message d'Allah? Alors le prophète a dit, Bala ya Umar. Alors Umar a dit, Wallahi, jamais on ne désespérera du bien d'un Seigneur qui rit. Et nous on affirme tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal sans faire ressembler à Allah à ses créatures. Allah a su ce qu'ils ont fait. Allah sait comment tu te comportes avec tes invités. Allah subhanahu wa ta'ala les a. Allah tabaraka wa ta'ala leur a préparé une énorme récompense. Et on va s'arrêter sur ce hadith magnifique qui nous enseigne le bon comportement à avoir. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العلم الصحيح إلى علم كتابه القرآن وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم